Laisse-moi sombrer un instant, pendant une minute, laisse-moi croire que le monde a changé, que la haine a fini par crever. Laisse-moi croire que mon père n'est pas mort, qu'il est tranquillement dans sa chambre et qu'il dort. Laisse-moi croire que Ben est encore là, qu'il est pépère sur une île qu'il fait là-haut là. Laisse-moi croire que demain ne sera pas comme hier, que le clochard de la veille deviendra un homme riche et fier. Laisse-moi croire que tout peut être inversé, que larmes et douleurs sont des vagues que je peux repousser. Alors pour moi la justice se lèvera, le soleil jaillira et je serai réellement heureux pour une fois. Et pour le reste c'est tant pis si c'est cuit, j'ai suivi ma voie et c'est ainsi. Oui. Dans mes années venues, j'ai longtemps côtoyé les diverses phases de cette terre, les multiphases de ce monde. Te dire que j'ai atteint la plénitude serait mentir, ça serait se moquer du bonheur. Et si mon cœur est loin d'être satisfait, c'est qu'au fond j'aspire à gagner les hauteurs pour le sage. Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Et si pour l'instant on sème dans les larmes, c'est que plus tard on récoltera les champs d'allégresse.